Φιλοσύν. Φάμι, Οζέ, Τούνια. Κοφ, κοφ, κοφ. Νουζί, Κακούλ, Τεμάξ. Σου ma vite ma mère, σου ma vite ma mère. À la fin, tu es un mec gain. Mais c'est pas ça, mon rendu méchant. Tu fais le voyou dans mes questions. Je vais niquer ta mère, moi je vais pas te ramener des gens. On garde au sol quand je te parle, PD. Alors comme ça, tu me m'appares, toi. On fait ça cru qu'on est des seuls, PD. Tu veux la carte alors que pars, toi. Il veut nous baiser, alors paix, oui. T'inquiète pas, on va le soulever chez lui. Il a pas vu la taille de nos paix, oui. Pas là pour la joue, mais ouais, c'est mon côté chez oui. Mon coeur est photo, je ne me plains pas. Devant ces putains de questions, je perds pas. Les arabes et les noirs, on sait même pas. On se pute une chambre, y'en a plus que Marine Le Pen, pas. J'suis de la génération Scarface. Ma cité va craquer la haine et la mentale. Mais ne parle plus de mental. Si tu rentres en prison, personne t'envoie de mandat. Je demandais à Dieu un dindin. Mais Dieu ne marche pas de cette façon. Alors j'ai volé un dindin. J'suis parti à la mosquée, j'ai demandé pardon. Oh là j'aime trop la guerre, allez venez. Avant de leur faire, j'suis sage pour du Vianney. Je joue de la guitare, je joue du piano. Depuis j'suis dans le game, pour le Coran, ils sont tous fanés. Sans pitié, j'ai visé la glotte. Clochard, moi j'ai jamais tremblé pour payer la note. J'veux me marier pour payer la dot. Pour payer la dot, je vais revendre de la cote. Ils m'ont piqué, ils veulent que je riposte. J'écoute Aronia, j'écoute du Mikos. Un contrat sur ta tête, ça se négoce.